Appâtage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h. Sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage contre toutes les cages. Salut tout le monde, vous écoutez Carapatage, l'émission de radio contre toutes les prisons. Et comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h sur Radio Libertaire 89.4 FM. Moi c'est Avril et avec moi j'ai Zim. Bonsoir, bonsoir à tous. Ce soir, après l'actu du mois, ça va être l'émission top départ d'une nouvelle version du guide à l'usage des proches de personnes incarcérées. Vous pouvez pas l'écouter en entier ce soir, pas de souci, vous pourrez la retrouver en ligne à l'adresse carapatage.noblogs avec un s.org, avec toutes les autres émissions aussi par ailleurs. Et si vous restez avec nous ce soir, vous pourrez nous contacter tout au long de l'émission au 01 43 71 89 40. Mais s'il vous plaît, plutôt après les brèves, parce qu'on n'est pas beaucoup. Et en dehors de l'émission, vous pouvez nous contacter aussi par mail à carapatage@riseup.net, par courrier au 4 Villa Stendhal 75020 Paris, et sur Instagram, @carapatage. Et on va commencer, comme je le disais, avec les brèves, et en commençant par un vandalisme sur le futur chantier du CRA de Mérignac, où dans le cadre d'un énième de plan de construction de lieux d'enfermement, un centre de rétention administrative donc est en construction dans la banlieue bordelaise, à Mérignac. Prévu pour enfermer 140 personnes, le chantier allait bon train jusqu'à une visite surprise il y a tout pile un mois, entre le 16 et le 18 janvier. Les vitrages ont été défoncés, le carrelage brisé, les câbles électriques coupés, les canalisations fracassées, leurs siphons bouchés à coups de mousse expansive, les caméras rendues aveugles, les murs dégradés, les grillages découpés, et une vraie fête quoi. Les dégâts y s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros. Comme quoi il existe plein de moyens de s'opposer à ces projets de mort, et même si la préfecture elle assure qu'elle compte malgré tout maintenir l'ouverture de cette nouvelle prison pour étrangers au premier semestre 2026, on va voir si c'est le cas, mais on imagine que les dégâts ne leur ont pas rendu la tâche facile. Une enquête a été ouverte, qu'on espère évidemment sans succès. Toujours dans les nouvelles prisons, mais dans un autre pays. En Belgique aussi, les prisons sont surpeuplées, et l'État belge il veut remédier à la surpopulation carcérale. Enfin, je veux dire, l'État belge, il veut continuer à incarcérer plus de gens, mais il trouve plus de place. Du coup, pas con, ils réfléchissent à des solutions, comme par exemple un bateau-prison, qui serait amarré à un port et dans lequel ils pourraient incarcérer 300 personnes. Cette idée, en cours d'étude, elle n'est pas si originale que ça. Un bateau a déjà servi à accueillir des personnes en demande d'asile, en Belgique, mais aussi au Royaume-Uni en 2023. Eux disent que c'est pas une prison, dans les faits, c'était complètement carcéral. Et pendant ce temps, une autre hypothèse serait d'externaliser les incarcérations vers l'Estonie. Rien n'est fixé pour le moment. Mais voilà, s'il y a une chose qui n'a pas de frontières aux yeux des États, visiblement, c'est la tôle. La nouvelle suivante, c'est celle de la mort d'un prisonnier kanak qui était détenu en France jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais lire le communiqué à ce sujet. Hommage à Frédéric Groschin, détenu kanak, déporté en France, décédé le 6 février 2026. C'est avec à la fois effroi, profonde tristesse et rage que nous avons appris la terrible nouvelle du décès de Frédéric Groschin le 6 février 2026, retrouvé mort dans sa cellule au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à l'âge de 31 ans. Frédéric faisait partie des détenus kanak déportés en France en juin 2024, parmi les vagues de déportation de détenus du camp Est qui ont eu lieu après le soulèvement populaire en Kanaky en mai 2024. L'autopsie établie annonce une mort naturelle et des problèmes de santé. Ceci n'aurait pas été correctement pris en charge. Une enquête a été ouverte et est en cours. Sa famille et son avocate suivent le dossier. Une série de questions se pose immédiatement. Mais quelles que soient les circonstances de sa mort, nous ne cesserons de rappeler que l'ordre colonial tue et l'enfermement et la prison tue. Car être incarcéré est une survie psychologique et physique dans l'isolement et l'opacité intérieure de la prison, d'autant plus en situation coloniale. Comme des dizaines de co-détenus, Frédéric a été déporté de force sur le territoire français en toute illégalité, sans pouvoir avertir sa famille, menotté pendant plus de 20 heures de vol. L'arrachement à son pays a été très difficile, comme il a pu nous le partager dans les échanges que nous avions. Il souhaitait rentrer en Kanaky. Une demande de retour avait été faite par son avocate, sans réponse favorable ce jour. Frédéric est mort seul et loin des siens et de sa terre. Son frère, qui venait d'arriver en France, n'a pas pu le voir avant sa mort, la découvrant alors qu'il appelait à la prison pour faire une demande de permis de visite. L'ensemble du groupe de travail du collectif Solidarité Kanaky pour le suivi des détenus kanak déportés en France exprime toutes ses condoléances à la famille de Frédéric, à son clan et à sa tribu Poneriouan et ses amis, ses co-détenus qui l'ont connu, dont ceux encore incarcérés qui apprendront sa mort derrière les barreaux. Toute notre solidarité à vous et profonde pensée à lui. Nous serons à vos côtés jusqu'au bout pour que la lumière soit faite sur les circonstances de son décès et pour son rapatriement, pour un dernier voyage sur son île du Pacifique Sud, Kanaky. Nous poursuivrons le travail de solidarité entamé et le combat pour que justice soit rendue pour tous les détenus kanak déportés en France et pour le retour immédiat en Kanaky de tous ceux qui le souhaitent et à la charge de l'État. Nous n'oublions pas les détenus enfermés à la prison du camp Est à Nouméa, dans les murs de l'ancien bagne, dans des conditions inhumaines, ainsi que tous ceux qui y ont perdu la vie. Frédéric, on ne t'oubliera pas, et Kanaky vaincra. Autre nouvelle de Condé-sur-Sarthe, cette fois, où à la fin de l'année dernière, vers mi-novembre, un QLCO, donc les nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, a ouvert à Condé-sur-Sarthe. Et les premiers prisonniers y ont été transférés dans cette période-là. Et à partir de ce janvier, donc un mois et demi, deux mois après, le rapport de force a commencé à se lancer déjà entre la paix et les prisonniers de ce nouveau quartier, à coups d'inondations dans les coursives, de coups dans les portes, et de musique poussée au max, et aussi de refus de cantiner pour ne pas laisser au maton des moyens de pression. Une lettre de revendication est sortie à cette occasion, et elle est lisible et écoutable sur le site de l'Envolée. Vous pourrez retrouver le lien sur notre blog dans l'article qui accompagne cette émission. Et pour finir, petit point agenda, à Marseille. Le 22 février, c'est-à-dire dans 4 jours, donc, une manif aura lieu à Marseille contre les Baumettes 3, contre le QLCO d'Aix-Luynes, l'instrumentalisation du trafic de drogue et la surpopulation carcérale pour construire toujours plus de prisons, et contre la prison en général, finalement. La prison qui, comme dit dans les premières lignes de l'appel, ni ne répare, ni ne soigne, mais sert seulement à isoler. La prison sert à détruire des familles, à briser des liens, à contrôler et mettre dans des cages les personnes indésirables de la société. Vous pourrez trouver la version complète de l'appel sur Internet, et comme pour tout le reste, un lien sera disponible dans le dernier article de notre blog. carapatage.noblogs.org. La manif, elle aura lieu à Marseille le 22 février prochain, à 16h, à partir de la place de la Providence. Après ça, une radio libre aura lieu à partir de 19h en direct de la place Cafo, avec des dédicaces aux prisonniers et prisonnières, des tables info-kiosques, des musiques et une cantine. Voilà, c'était tout pour l'actualité, et on vous laisse après une musique. Cette émission sera donc un enregistrement fait par la bande de gens qui ont produit une nouvelle édition du guide à l'usage des proches de personnes incarcérées. Sur ce, salut, bonne soirée. Aquel que quiera detenerme, enseñaron a tirar pa'lante, siempre fuerte, enseñando y usando los dientes. No es un espejismo, machete en boca, lo que es evidente. Mira cómo vengo con el machete arraso. No te gusta el fuego, cuidado que abrazo. Hay medias verdades, hay puños cerrados. Pero si me jodes, te borro del listado. Siempre me complico, lo tendré que asumir. Aunque te lo diga yo, todo tiene su fin. Más leña, sigo las señas. Vamos de entrada, me rata. familia tú solo Voilà, donc aujourd'hui, ben, un salut à tous les gens qui écoutent la radio. On est la bande qui avons édité le tout nouveau guide des proches, guide à l'usage des proches de personnes incarcérées. Ce guide, on va vous en parler pendant toute l'émission. Là, pour l'instant, on est dans l'imprimerie et ça fait 3 jours qu'on essaye de le sortir en papier. C'est laborieux, on n'est pas très très costaud. Mais voilà, en plus on fait des pauses pour faire des émissions de radio. Donc ça arrive et voilà, on va vous parler de ce guide. Alors si tu te retrouves avec ce guide entre les mains, c'est sûrement que tu as besoin d'informations sur la prison, que tu sens que tu n'as pas les codes de ce monde où est maintenant ton ou ta proche, que tu as besoin de comprendre ce qu'il s'y passe pour mieux l'accompagner. On va te donner quelques combines, mais le plus important c'est l'entraide directe entre proches. Les discussions dans le bus entre femmes qui se reconnaissent à leur sac de linge, les sourires de soutien lorsque quelqu'un arrive pour la première fois devant cette porte fermée, les propositions spontanées de covoiturage, les échanges humains entre gens qui savent qu'ils sont dans le même bain. Avoir une proche en prison peut être angoissant et beaucoup de clichés circulent. Certes, les violences existent, notamment entre détenus, mais il faut toutefois nuancer. Il y a aussi de belles solidarités entre prisonniers et prisonnières, et la violence est souvent du côté de l'administration pénitentiaire. Il arrive, avec la prison comme horizon, qu'on soit désespéré parce que la séparation fait mal et qu'on ne voit pas la fin d'une peine forcément trop longue. Le rôle des soutiens est précieux et important. Mais tout ne dépend pas de nous, alors il faut veiller à garder la tête dehors. En se ménageant et en continuant aussi notre vie à l'extérieur, on apporte un peu d'air du dehors à notre proche. Et puis, certainement, ça nous permettra de mieux résister aux épreuves qu'on rencontre inévitablement lorsqu'on soutient une personne incarcérée. Donc là, ce qu'on vient de lire, c'est l'introduction de la mise à jour de ce guide. Et du coup, ce guide, c'est une mise à jour d'un précédent guide à destination des proches de personnes incarcérées qui avait été fait en 2013 par Soledad et Associés. Soledad et Associés, c'est un collectif à peu de monde, et notamment Catherine, dont les gens de l'Envolée se souviennent. Catherine avait créé une association qui s'appelait l'ARPI, une association de soutien entre proches et en direction des personnes incarcérées. Cette association avait pour but de favoriser les contacts humains, ce qu'on raconte dans l'introduction. Alors, malheureusement, l'ARPI est mort avec Cathy, mais on continue à faire ce guide et à maintenir cette grande idée et à continuer ensemble. Et on a voulu faire une mise à jour de ce guide parce qu'il y a plusieurs choses qui ne sont plus à jour depuis 2013. Les choses ont changé depuis 2013, notamment parce qu'il y a un État de plus en plus répressif qui passe des lois de plus en plus répressives qui font qu'il y a de plus en plus de personnes enfermées. Donc pour donner une idée, depuis 2013, le nombre de prisonniers et prisonnières, il est passé de 67 000 à 86 000 là au 1er janvier 2026. Et les personnes sous bracelet électronique, c'est passé de 10 000 à 19 000. Donc en fait, voilà, les politiques des dernières années, elles ont entraîné une multiplication des régimes d'incarcération. Il y a la construction de toujours plus de places de prison. Donc voilà, depuis 2017, il y a le plan 15 000 prisons. 15 000 places de prison, peut-être pas 15 000 prisons quand même. Où du coup la volonté c'est d'enfermer toujours plus avec ce discours de c'est pour la surpopulation, mais en fait c'est aussi toutes ces nouvelles places de prison, elles se retrouvent aussi ils fabriquent des places de prison soi-disant pour combler la surpopulation, mais sauf que cette surpopulation elle tient compte déjà des places de prison, c'est-à-dire que là les places qui sont créées, déjà, il n'y a plus assez de monde. Il n'y a plus assez de place. Il y a beaucoup trop de monde. Il n'y a plus assez de place. Et donc, on va en recréer d'autres. On est passé du plan 15 000 au plan 18 000. Maintenant, on invente les prisons modulaires. Enfin, c'est l'invention de Darmanin. Et là, la machine est lancée comme un cheval fou, de façon à enfermer de plus en plus de monde tout le temps. Voilà. Et pour de plus en plus longtemps, avec un allongement des peines. Des peines de plus en plus longues aussi à l'intérieur. Donc voilà, avec toujours plus de répression envers certaines catégories de la population. Et depuis 2013, bah, y a aussi une multiplication des lois antiterroristes, avec voilà, la figure du terroriste qui va être vue comme l'ennemi de l'État. Et donc il va y avoir toute une lutte de l'État contre voilà, le terrorisme. Et depuis plus récemment, aussi la figure des narcotrafiquants qui vont être présentés comme... Les grands méchants et les ennemis de l'État contre lesquels il faudrait passer des lois de plus en plus répressives et des quartiers de plus en plus répressifs. Et voilà, on en parlera plus loin de la multiplication de ces régimes d'isolement et notamment des régimes d'incarcération, et notamment pour les personnes accusées de terrorisme et pour les personnes considérées comme ce qu'ils appellent des narcotrafiquants. Avec aussi une politique qui est assez dangereuse vis-à-vis des minots. Ça durcit beaucoup. Il y a encore 50 ans, on disait pas d'enfants en prison, c'est l'éducatif qui prime. Maintenant, il y a un tabou qui a été levé. On peut enfermer des gosses à partir de 16 ans sans aucun problème idéologique. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'écriture de ce guide, voilà, ça a été un processus long qu'on a commencé il y a un an et demi, et voilà, ça a été long aussi parce qu'il y a des changements continuels. Du coup, voilà, les lois répressives, elles aussi, depuis qu'on a commencé la mise à jour de ce guide, il y a des allers-retours qu'on a fait, des choses qui ont été modifiées, par exemple sur l'encart, sur les CRA aussi, les centres de rétention administratifs. Pendant la réécriture du guide, il y a eu la loi Retailleau adoptée à l'Assemblée nationale et au Sénat dans un premier temps, qui modifiait la durée d'enfermement en CRA de 3 à 7 mois pour les étrangers condamnés pour des faits graves ou présentant un risque majeur pour l'ordre public. Enfin, là, je cite leurs mots, mais du coup, c'est pour faire voilà, aussi toute cette figure de l'étranger délinquant qui est aussi de plus en plus présent. Et cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais voilà, on a changé plusieurs fois des choses dans cet encart CRA. Et donc, ce que je disais, on a rajouté toute une partie sur les QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc voilà, le guide, on a mis à jour jusqu'au moment où on a arrêté de l'écrire, mais voilà, il y aura des changements et il y aura sûrement des mises à jour à faire dans quelques temps, parce que voilà, nous, on ne va pas continuer à faire les mises à jour, mais elles devront être faites à un moment. Et donc, pour présenter un peu plus le contenu de ce guide, c'est un guide qui parle des prisons, mais qui évoque aussi d'autres lieux d'enfermement, comme les CEF, centres d'éducation fermés, et les CER, CEF, centres d'éducation renforcés. Du coup, ça, c'est pour les mineurs. Et ce que tu disais, il y a un durcissement aussi. Il y a aussi une construction de plus en plus de CEF pour enfermer, réprimer toujours plus aussi les mineurs. Et voilà, on parle aussi des centres de rétention administrative. Et du coup, ces deux lieux, c'est des lieux que l'État ne considère pas officiellement comme des prisons, mais qui, pour nous, en sont aussi. Et il y a aussi beaucoup d'allers-retours entre, par exemple, les CRA et les prisons. Donc les gens font des allers-retours entre ces deux lieux d'enfermement. Et pareil pour les CER, CEF. C'est souvent, les jeunes sont enfermés dans ces lieux-là et après, souvent, en fait, passent après par la prison. Et du coup, il y a des allers-retours entre ces différents lieux d'enfermement. On ne parle pas dans le guide réellement des hôpitaux psy qui enferment aussi. On en parle un tout petit peu dans le critère, dans le paragraphe sur la santé, avec les UHSA, les hôpitaux psy gérés par la pénitentiaire. Mais effectivement, ce durcissement politique fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont fragiles psychologiquement, qui sont en danger, qui devraient être considérés comme des victimes et qui sont considérés comme des coupables à punir et donc qui se retrouvent en prison. Et dans le guide, on parle aussi très rapidement de la justice, notamment du moment du procès et de comment préparer les différentes issues possibles du procès. Mais on ne parle pas non plus très longuement de ça. Mais il y a aussi d'autres guides qui existent, notamment sur la garde à vue, sur les perquisitions, sur comment se défendre face à la justice. Il y a aussi d'autres guides qui ont été créés par d'autres gens. Et oui, du coup, pour revenir aussi sur une des motivations pour rééditer ce livre, enfin ce guide, c'est aussi au vu des difficultés qui existent d'avoir accès à l'information quand t'es proche, et encore plus quand c'est la première fois que t'es proche de quelqu'un qui est incarcéré. Et non seulement c'est difficile d'avoir accès à ces informations, mais c'est aussi compliqué de savoir un peu ce qu'il en est quand... la prison, c'est un endroit où il y a beaucoup de règles formelles, mais aussi beaucoup de règles informelles. Et d'ailleurs, on a aussi voulu dans le guide de pas juste faire un truc juridique qui vulgarise un peu les textes juridiques, mais on a aussi voulu partager des astuces, donner des pistes pour se repérer au milieu de tout ça, parce que le code juridique, c'est un truc qui existe et il y a plein de lois qui régissent ce qui se passe en prison, mais il y a aussi beaucoup d'arbitraires et du coup c'est aussi pour ça qu'en fait ce guide c'est pas du tout un truc exhaustif qui va permettre de répondre à toutes les situations, à ce qui se passe dans n'importe quelle prison, parce que c'est aussi beaucoup au cas par cas, quoi. Et aussi dans un peu les autres motivations qui nous ont poussé à faire une réédition du guide, c'est on en a parlé, mais depuis 2013 il y a de plus en plus d'enfermements, et plus de personnes enfermées, ça veut dire aussi plus de proches de personnes enfermées. Et non seulement l'ancien guide il est plus à jour, mais en plus il est plus réimprimé, et du coup il circule de moins en moins, quoi. Si t'as pas un exemplaire sous la main, c'est un peu difficile de mettre la main dessus, quoi. Et du coup, nous, on avait un peu aussi envie de refaire circuler ce texte avec des mises à jour pour aussi un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, mais ça participe aussi de la solidarité, quoi. Et du coup, on aimerait bien que ça circule, et surtout que ce soit diffusé devant les prisons. Du coup, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées par faire ça, on a une adresse mail où c'est possible de nous contacter pour commander les guides. L'adresse mail, c'est guideprocheprison@riseup.net, avec proche au pluriel, avec un S. Les guides, ils sont à prix libre pour payer les frais d'inscription. Ils sont à prix libre pour payer les frais d'impression. Et aussi l'impression, c'est auto-imprimé. Du coup, ça prend du temps. Et on n'est pas très bon. Oui, on rencontre quelques difficultés. Mais du coup, ça peut prendre aussi du temps de récupérer les guides. Du coup, il faut s'armer un peu de patience. Mais il est disponible sur Internet. L'adresse du blog sur lequel il est disponible, c'est guideprocheprison, avec proche encore au pluriel, noblogs au pluriel aussi. .org. Voilà. Je vous propose une chanson, alors ça n'a pas été débattu en groupe, je suis l'unique responsable. C'est une chanson qui est reprise dans l'album des Amis de ta femme, qui s'appelle Noir et un peu rouge aussi. Et ça s'appelle la femme du guerrier. Je l'aime bien parce qu'elle reprend un petit peu ce qu'on dit dans l'introduction. Oui, notre proche à l'intérieur compte sur nous, mais nous, on est dehors et on doit vivre. Et il faut aussi, en tant que femme, parce que c'est souvent les femmes hein, qui sont dehors et qui tiennent la route, il faut aussi qu'on se protège et qu'on se donne la possibilité de résister, notamment à la jalousie de nos gars à l'intérieur. Et donc voilà, c'est uniquement pour ça que j'ai envie de passer cette chanson. Elle n'est pas super gaie, mais si on a envie de l'entendre autrement, c'est une chanson de femme forte, c'est cool. Qui ne veut rien gâcher. Mon amour, ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier. Mon amour, ne reviens pas, pas après cet été. Je t'aurais oublié, je t'aurais oublié. Que la vie continue, que la chance soit avec toi. Moi, mon corps, lui, ne connaît que toi. Mais la vie est si courte et la guerre si cruelle. Si l'on m'offre notre route, je partirai avec elle. Mon amour, ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier. Mon amour, ne reviens pas, pas après cet été. Je t'aurai oublié, je t'aurai oublié. Et l'unique enfant que j'ai eu de toi grandit avec le vent du combat. Mais il arrive des fois que je meurs si je mens. Qu'il arrive en pleurant, en criant qu'il a tout oublié de toi. Mon amour, ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier. Mon amour, ne reviens pas, pas après cet été. Je t'aurai oublié, je t'aurai oublié. À me mordre les doigts sont des années gâchées. Mais pour toi, je t'avais déclaré que je ferais n'importe quoi. Mais la foi disparaît, c'est l'ennui qui la noie. Mon amour, ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier. Mon amour, ne reviens pas, pas après cet été. Je t'aurais oublié, je t'aurais oublié. C'est la lettre de la femme du guerrier. Elle est venue par hasard dans mon courrier. Elle raconte la triste et dure vérité d'une femme qui ne veut rien gâcher. Et les fleurs du printemps vont déjà s'annoncer. Voilà déjà si longtemps, je n'en ai plus profité. Je finis m'effondrant ce sinistre papier. C'est le maudit chant de la femme du guerrier. Mon amour, ne m'écris pas si tu es prisonnier. Si tu es prisonnier, si tu es prisonnier. Mon amour, ne reviens pas, pas après cet été. Je t'aurais oublié, je t'aurais oublié. Maintenant qu'on a parlé pourquoi on avait fait ce guide, on va aller un petit peu plus loin dans ce qui a changé et ce qu'on pourrait dire qui s'est modernisé en 10 ans. En vrai, il n'y a rien qui s'est modernisé, hein. L'enfermement reste l'enfermement, il reste insupportable. Mais la prison évolue exactement comme dehors. C'est-à-dire que dehors, en 10 ans, si vous voulez faire un petit effort de mémoire, depuis 2000, enfin même 15 ans, depuis 2015, 14, comment on a évolué ? Y a eu le Covid, il y a eu le développement des visioconférences au boulot, du télétravail, il y a eu la disparition des cabines téléphoniques dans les rues. Elles existaient déjà beaucoup, pas beaucoup, plus beaucoup. En 2014 je sais pas, moi je suis sortie de tôle en 2016 et j'avais ma carte, comment ça s'appelle, la carte qu'on mettait à puce, qu'on mettait dans la télécarte, dans le téléphone. Et le maton, quand il me l'a rendue en novembre 2016, il m'a dit ça ne servira plus à rien. Je me suis dit, l'autre il se fout de ma gueule. Bien sûr que j'ai encore des copains, je téléphone quand je veux à mes potes, je les ai. Sauf que non, je ne pouvais plus leur téléphoner avec cette carte-là, il n'y avait plus de cabine dans les rues, quoi. Voilà, en fait, il y a eu une évolution totale dans le monde, au moins en France, et la prison a suivi le même rythme. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, maintenant, il y a des cabines, il y a les cabines téléphoniques qui étaient dans chaque couloir en prison, où il fallait attendre que le surveillant nous ouvre pour qu'on aille dans le couloir téléphoner ou qu'on aille en promenade, et où là, il y avait la queue parce que tout le monde voulait téléphoner pendant la seule heure de promenade. Maintenant, elles sont en cellule. Ce qui n'empêche pas qu'elles sont toujours limitées avec les gens qui ont bien envoyé leurs factures, qui sont validées par l'aide pénitentiaire. Le flicage ne s'arrête pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une espèce de gagner du confort que le flicage s'arrête, au contraire. Par exemple, c'est le cas aussi pour les parloirs. Dans le dernier guide, on ne parle quasiment pas des UVF. Ils étaient tout juste en création. Maintenant, les UVF, il y en a dans presque toutes les prisons, sauf les petites maisons d'arrêt. Les unités de vie familiale. Merci. Les unités de vie familiale. Donc des parloirs aménagés, qui sont des parloirs pour des durées plus longues. Mais c'est juste la preuve que la prison est de plus en plus longue. Donc il faut que les parloirs aussi soient un peu plus longs. Il y a notamment dans le style qui évolue avec le reste du monde, il y a beaucoup plus de prise en compte des gens qui sont enfermés, qui sont LGBT+. Avant, ça n'existait pas. T'étais PD, tu te faisais tout petit parce que tu avais peur de te faire maltraiter par tes collègues et surtout tu le disais pas de cellule. Maintenant, ça peut un peu mieux s'affirmer, aller voir le médecin et dire voilà, je suis en transition, j'ai besoin d'hormones. Ils peuvent l'entendre. C'est pas. Enfin, je veux dire, il faut que j'arrête de me répéter, mais toutes ces petites modernisations ne prouvent pas que la prison est mieux. La prison s'adapte pour enfermer toujours plus de monde. Donc, par exemple, sur l'informatisation, maintenant, il faut réserver les parloirs avec Internet. Donc, les familles qui n'ont pas accès à Internet, parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur ou parce qu'ils ne savent pas lire le français, sont d'autant plus en galère qu'avant, il fallait réserver par téléphone. On ne peut plus faire de mandat, donc il faut faire des virements. Si on n'a pas de compte bancaire, on ne peut pas faire de virements. Alors que les mandats, on pouvait amener de l'argent liquide à la poste et envoyer à son ami. C'est comme si ça ne suffisait pas qu'il faut avoir un compte bancaire. En plus, il faut avoir maintenant le permis de visite à la personne à qui on veut envoyer le mandat. Donc un collectif, par exemple, ne peut pas dire on envoie de l'argent à un camarade qui est à l'intérieur. Il faut que ça soit une personne déterminée qui a un permis de visite pour l'envoyer. Toutes ces choses-là, toutes les caméras, par exemple, à l'intérieur de la prison, il y a les caméras, autant il y a de caméras dans une couloir de prison que dans un couloir de métro. Je ne sais pas s'il y en a dans le métro. Je ne suis pas parisienne. Il y en a dans le métro. Enfin, il y a des caméras partout dans les villes. Il y en a dans les prisons. On est vraiment... c'est plus un monde à part. Voilà, c'est un monde aussi bouffé par l'informatique, aussi bouffé par le bien paraître, Mais oui, on s'occupe des gens âgés. Bah, évidemment, vous enfermez des vieillards de plus en plus. Donc oui, c'est pas exceptionnel de mettre en place des aides-soignants. Alors bon, déjà, il y en a trop peu. Mais effectivement, quand on enferme des gens qui ont 80 ans, il faut veiller aussi à ce qu'il y ait des infirmiers qui viennent pour aider à prendre la douche. Et voilà. Donc tout ce côté-là de modernisation de la prison, ben, on a essayé d'en parler un peu avec les téléphones, les réservations de parloirs par Internet, les UVF, la prise en compte des maladies qui... Enfin, des maladies ou des choses handicapantes qui n'étaient pas prises en compte avant. Voilà, c'est sur ce côté-là qu'on parlait, nous, de la modernisation de la prison, en disant, bien sûr, que la prison moderne, c'est la prison qui n'existera plus. pour te compléter un peu sur l'aspect, en tout cas, technologisation de la prison, enfin, en tout cas, l'évolution des technologies aussi dans le milieu carcéral. Et comme tu l'as dit, on essaye d'évoquer ça dans le guide, notamment sur la question des téléphones, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par exemple, les prisons essayent de mettre... Enfin, l'administration pénitentiaire en France essaye de généraliser l'installation de brouilleurs d'ondes, par exemple, dans toutes les tôles, ce qui complique le fait de pouvoir communiquer par téléphone depuis l'intérieur. Téléphone portable illégal, ouais. Ouais. Même si... ce que je veux rajouter, c'est que, et on y reviendra peut-être un peu plus tard, de comment on résiste aussi à tout ça, c'est que, et c'est pas pour glorifier les technologies, hein, mais de plus en plus de gens arrivent à contourner quand même ces systèmes au fur et à mesure que l'appel les installe, et par exemple, les brouilleurs d'ondes, ils restent quand même limités, et les gens arrivent quand même à avoir des smartphones à l'intérieur. Je dis pas que c'est une tendance générale, mais quand même ça existe, et toutes ces technologies elles peuvent être contournées avec des efforts et avec des moyens qui peuvent être collectifs, en se donnant des conseils, en se donnant des petites bidouilles, des trucs à bricoler aussi des fois pour améliorer son quotidien dans la prison. Et ce que tu disais sur la pseudo-inclusion de la prison, tout ça, même par exemple pour les personnes trans, maintenant c'est quand même possible, ça peut être entendable que tu fais une transition, que tu pourrais avoir accès par exemple à des hormones, mais qu'en fait, normalement pour savoir où on t'enferme, on est censé prendre en compte ton état civil et pas par exemple tes organes génitaux, ton apparence corporelle, mais en fait ça n'empêche pas... les personnes trans qui sont enfermées d'être dans des conditions, à l'isolement, dans des conditions méga dures, et que cette pseudo-inclusion, en fait, juste les gens, ils ont quand même des conditions de détention horribles derrière aussi, quoi. Enfin, juste à l'isolement, c'est plus entendable, mais c'est quand même à l'isolement, couper tout le monde, et ça veut pas dire que les matons sont pas violents avec toi pour autant, quoi. Tout à fait, mais alors clairement. J'attends le lever du jour avec toutes ces questions. Ils sont vieux et fous, on est jeunes et cons. C'est la fin de la partie, j'ai retourné tous les pions. Ils ont encerclé, c'est la dernière sommation. Liberté aux enfermés, mort au maton. Je rêve de séquestrer un patron. Le papa, la cravate et l'accrocher au plafond. Parce que la coupe est pleine et qu'on ne voit pas le fond. Tellement de cicatrices au fond des cages thoraciques. Le temps passe trop vite, ce monde est trop triste. J'unirai mes jours ici, pas sous les tropiques. Et dans ma tête, c'est Beyrouth ou Damas. Des phrases qui résonnent comme un coup de famas. Les ennuis s'amassent, toujours à la ramasse. Et je calme mes angoisses avec quelques Xanax. Y'a rien à fêter, rien à arroser. J'ai les pieds gelés, trempés par la rosée. Des drones qui surveillent, ils appellent ça le progrès. Finir la bouteille, j'ai pas d'autres projets. Ce vide qui étreint, se dire que tout va bien. Le cerveau qu'on éteint, comme lumière le matin. On arrive sans savoir qu'on y vient. Cadavre joli teint, bouche de métropolitain. Et qu'ils sont bornés, tous ces gens mornés. Le regard dans le vide, à la recherche d'une place de parking. Et qu'on me comprenne. Un rap sans thème qui sent les chrysanthèmes. Faire un sapin sans thème avant la trentaine. Suicide laissera baisser. On te fait qu'encaisser. J'ai mis toute ma peine, la tête dans les fessées. Rêvé de voyager, sous navigateur. Un peu oublié, moi, de vie hardcore. Lève mon verre à nos morts, à nos rêves, à nos torts. À la sève, à nos corps. Et je cherche encore, j'entends la descente. Comme un fer sur la tempe. Une allumette, cherche bidon d'essence. Y'a rien d'élégant, l'esprit, je vais serrer les dents. Le combat continue, j'en mettrai les gants. À la fin des nuits, jusqu'à la fin des temps. L'horizon charbon germinal. On s'accroche comme en phase terminale. Je les vois pitoyables, on me dit lamentable. J'ai relent viscéral, passé l'hiver sous la table. Et j'ai serré devant la porte. Fallait que je sorte, que je déplore. Mais j'ai cramé du médoc, toujours mon seum et tu l'emportes. J'ai sous le masque Johnston, les cornes de Moondog. Moi j'suis rien ni personne. Leur bêtise m'impressionne, le déni me questionne. Tout sous la pression chronique d'un passage en clinique. Sans jamais finir le chapitre. Trahison chromatique, je suis l'animal de cirque. Chacun son rôle tant qu'il y a du public. Crémation d'agité libre et critique. Place aux étroits canaux de ton car nombriliste. Un air de fardeau sur la voile. Nature mortelle sur la toile. Plus j'avance, plus je recule. L'espoir est-il vain? L'histoire est sans fin. Personne n'est libre tant que tout le monde ne l'est pas. J'ai poussé le vice en limite, on revient pas. Tombé dans la crevasse, mandoline me terrasse. L'étincelle se glace quand la vie nous tabasse. Du coup, on va parler aussi un peu du fait qu'on a rajouté toute une partie dans le guide qui n'était pas dans le guide initial sur les différents quartiers d'incarcération. Si on a rajouté cette partie, c'est aussi parce qu'on va voir, il y a de plus en plus de nouveaux quartiers qui apparaissent. Voilà, avec l'idée un peu de classifier les détenus selon leur dangerosité supposée. Ou alors aussi pour servir de récompense pour essayer que les gens à l'intérieur se tiennent tranquilles. Donc il y a certains quartiers qui existaient spécifiques qui existaient déjà en 2013, comme le Mitard, le quartier d'isolement. Donc on explique un peu dans le guide comment ça fonctionne. C'est des quartiers punitifs. Le Mitard officiellement, le quartier d'isolement, pas officiellement, mais c'est quand même souvent utilisé comme une punition, où la personne, elle se retrouve seule en cellule et seule en promenade, du coup coupée du lien avec les autres détenus. Être seul en cellule, en soi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Normalement, la loi dit que même en maison d'arrêt, l'encellulement devrait être individuel. Mais être seul tout le temps, y compris en promenade, et avoir le minimum d'activité, ne plus avoir accès à la bibliothèque, à l'école, au travail, au sport, comme c'est le cas au mitard, c'est vraiment autre chose. Et là, on touche à la torture blanche, en fait, à l'isolement qui mange les neurones. Ouais, et il y a aussi différents quartiers qui sont des quartiers, donc les centres et quartiers de semi-liberté, les structures d'aménagement vers la sortie, SAS. Je mets un peu les deux ensemble, même si c'est pas tout à fait la même chose, mais dans le sens où c'est des quartiers où sont enfermées les personnes qui sont en fin de peine avec plus de liberté, notamment la possibilité d'aller travailler à l'extérieur, même l'obligation pour les deux d'aller travailler à l'extérieur. Et du coup, où les personnes subissent quand même un enfermement, même s'il est moins fort qu'en maison d'arrêt ou qu'en centre pénitentiaire, avec l'idée que... ça va leur permettre de se réinsérer, d'avoir un laps de temps où ils restent sous le contrôle fort de l'administration pénitentiaire, mais avec de plus en plus de temps en extérieur, notamment pour travailler. Et voilà, et c'est un peu... voilà, c'est ce qu'ils appellent lutte contre les sorties sèches aussi. Mais avec toujours le faux truc que du coup on va entendre beaucoup dire dans les médias c'est des prisons confort, qu'on donne plein de droits à des gens, que les gens ils vont pas jusqu'au bout de leur peine, alors qu'en réalité c'est aussi pas mal de personnes qui, s'il n'y avait pas ces quartiers spécifiques qui existaient et cette forme d'enfermement spécifique qui existait, étaient avant libérées plus tôt, mais où aujourd'hui, construire ces centres de semi-liberté, ces structures d'aménagement vers la sortie, c'est pas uniquement pour... permettre aux gens de se réinsérer, mais c'est aussi pour pouvoir... ça permet aussi de continuer d'enfermer des personnes qui, avant, auraient pu sortir plus tôt. Oui, puis, enfin, il y a des strates à l'infini, quoi. Il y a le tige, où on est obligé de travailler, mais où on n'a pas d'autre suivi que le SPIP. Il y a le bracelet, où on est obligé de travailler... Et on n'a pas le droit de sortir de la maison de telle heure à telle heure. Il y a la semi-liberté où on va travailler et le soir, on revient à la prison. Comme ça, on est plus sûr qu'avec le bracelet et on ne peut pas recevoir les copains en cellule. Il y a la maison d'arrêt. Il y a le centre de détention avec des accès plus limités. Aux permissions de sortie, il y a la centrale, il y a les quartiers, il y a un nombre de strates infinies qui vont toutes vers le même truc, hein, c'est l'isolement. Même dans les maisons d'arrêt maintenant, qui sont les tôles les plus surpeuplées, où il y a le plus de monde pour ce qu'on ose appeler des petites peines, même si elles se rallongent toujours, la plupart ont maintenant les douches en cellule pour éviter qu'il y ait des mouvements, que les surveillants doivent ouvrir les portes, qu'on se rassemble au moment des douches dans la journée. Tout est fait pour isoler et sectariser les gens. Et ces différentes strates de punition croissantes ou décroissantes, elles ont pour objet d'éviter que les gens, les détenus contestent leurs conditions de détention. Et ferme se taise et évite de s'organiser pour acheter la paix sociale, en fait. Et du coup, comme les gens espèrent améliorer un tout petit peu leurs conditions, ils vont plutôt ne rien contester. Et juste, du coup, pour revenir sur l'aménagement de peine et les peines alternatives, du coup, toute cette multiplication, soit de quartier, soit donc les tiges, soit le bracelet... tout ce qui permet, qui est présenté comme des alternatives à l'incarcération. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Souvent, c'est des personnes qui auraient de toute façon pas été incarcérées s'il n'y avait pas eu ces alternatives-là. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait un peu tout à l'heure, plus avant dans l'émission, bah, le développement de la technologie. C'est aussi finalement qu'aujourd'hui, il y a des moyens technologiques qui permettent aussi du contrôle sans enfermer directement entre quatre murs. Et que tout ce développement technologique va permettre aussi à de nouvelles mesures de contrôle, de nouveaux dispositifs de contrôle d'apparaître et de se développer. Et voilà, ça va, on va pas juste rajouter l'État, là, je dis, va pas juste rajouter du contrôle comme ça, du coup, va l'enrober dans un discours de ben, ça apporte des progrès par rapport à la situation antérieure où les gens, ils étaient enfermés dans des conditions déplorables et où aujourd'hui, grâce au développement technologique, ils vont être dans des conditions de contrôle meilleures, plus respectueuses des droits humains. Alors qu'en fait, les prisons sont toujours aussi pleines. Il n'y a jamais eu autant de gens incarcérés en France. Et finalement, c'est juste de nouvelles personnes qui se retrouvent dans de nouveaux dispositifs de contrôle, quoi. Et du coup, pour continuer sur ce qu'on disait aussi sur du coup, bah, ces différentes strates, ces différents quartiers, ces différents dispositifs, comment ça permet aussi de gérer la détention pour la paix et d'éviter qu'il y ait des révoltes, de faire que les gens ils se tiennent à carreau parce qu'ils espèrent avoir des conditions un peu meilleures si ils se tiennent bien. Bah, c'est pas mal dans le module respect. Ça, on l'a développé un petit peu dans le guide. Ça existe que depuis 2015. Du coup, c'était pas du tout présent dans l'ancien guide. Ça montre bien comment aujourd'hui, il y a ces nouveaux quartiers qui se développent parce que c'est des quartiers où les conditions de détention sont meilleures, où les détenus possèdent la clé de leur cellule, peuvent plus facilement aller venir. Mais il y a un nombre de places limitées dans ce quartier au sein de la prison. Et du coup, pour pouvoir être affecté dans ce quartier, faut montrer patte blanche et montrer qu'on est prêt à accepter un certain nombre de choses, de contraintes. Et au moindre faux pas, on peut être renvoyé en détention classique. Ce qui fait que du coup, voilà, c'est la carotte, le bâton. À la fois, avant, il y avait des quartiers punitifs, mitards, quartiers d'isolement. Aujourd'hui, il y a aussi des quartiers avec des conditions de vie améliorées pour inciter toujours plus les gens à se tenir sages. Et à la délation, ça marche aussi. Parce que si tu balances un collègue qui fait chier la pénitentiaire, que tu arrives à trouver des informations sur lui, il y a des chances que tu sois récompensé. Voilà. Je rentre pas dans tous les détails pour tous les quartiers parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Bah oui, vous avez compris. Mais on disait aussi qu'il y avait les quartiers d'évaluation et de prise en charge de la radicalité. Donc ça, c'est tout pour tout ce qui est terrorisme. Ou du coup, si on est condamné, mais on n'est pas obligé d'être condamné pour des actes terroristes pour être affecté dans ces quartiers. Donc là aussi, il y a une espèce de... Enfin voilà, là aussi, ça crée des choses en détention parce que du coup, si tu sais qu'il y a un détenu qui est soupçonné de terrorisme et que tu te mets à trop lui parler dans la cour de promenade, bah, tu vas être soupçonné à ton tour et tu peux toi aussi passer dans un quartier où on va évaluer est-ce que tu peux est-ce que tu es susceptible de radicalisation ou pas. Du coup là aussi c'est voilà, enfin ça on aussi parle c'est de pernicieux radicalisation aux islamistes hein, parce que c'est vraiment la bête noire. Ça a été inventé pour stigmatiser les musulmans qui se radicalisent sur... Et c'est un biais raciste de calcul d'isoler les uns des autres. Et c'est pour l'instant, c'est ça qui fait peur. Et puis il y a aussi le narcotrafic. Donc selon si t'es de banlieue, soit t'es terroriste, soit t'es narcotrafiquant. Mais de toute façon, la pénitentiaire t'aura l'œil. Et du coup, pour le narcotrafic, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois parce qu'il y a eu la création des QLCO, les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. Donc, dans les médias, ils parlent de prison narcotrafic. Et du coup, c'est des quartiers où sont affectés des personnes qui, donc d'après la loi en tout cas, qui pourraient continuent de commettre des délits en lien avec le narcotrafic depuis l'intérieur des murs. Et du coup, l'idée, c'est de leur mettre des conditions de vie plus dures, des quartiers complètement étanches pour qu'ils puissent plus continuer le trafic depuis l'intérieur. Voilà, c'est très contesté. Il y a plein de détenus qui ont essayé de faire des recours contre leur placement dans les quartiers QLCO. Malheureusement, leurs recours, ils ont été tous déboutés, je crois. Mais voilà, qui montre qu'en fait, on peut aussi être un peu affecté pour tout et n'importe quoi là-bas et que c'est assez opaque le processus décisionnaire qui fait qu'on se retrouve en QLCO. Et je trouve que tous ces trucs de quartier antiterro, quartier narcotrafique, c'est aussi beaucoup accompagné d'un discours qui dit que qu'il y aurait des détenus réinsérables et des détenus perdus, qu'il s'agirait de mettre au banc de la société parce que ça serait des individus dangereux pour le reste du monde. Et que du coup, ça permet de justifier des conditions, des détentions horribles en disant que bah, pour le bien des autres détenus, il faut les mettre dans des quartiers étanches, séparés du reste de la détention, sinon ils vont contaminer les autres. Et que ça justifie en même temps des conditions complètement inhumaines. Et qu'il y a un peu un jeu là-dessus dans les médias entre proposer bah, voilà, des quartiers avec des conditions un peu meilleures en disant « Regardez, on fait des efforts pour la réinsertion, pour que les gens qui veulent s'en sortir s'en sortent. » Et qu'à côté, bah, ce même discours permet aussi de dire qu'il y a des gens, par contre, qui sont vraiment perdus, dont la cause est vraiment perdue, et du coup, c'est le principe de base du divisé pour mieux régner. Ouais. Hein. La classe dangereuse, la classe populaire, la classe revendicative potentiellement, il faut l'amoindrir. Et donc, on l'amoindrit aussi à coup de mensonges et de peur. Et voilà, qu'il y aurait des gens qui seraient complètement perdus et que ça justifie des conditions assez horribles, quoi. Et, de torture. Ouais, de torture. Et voilà, ça, c'est un gros changement. Enfin, du coup, on a un peu là développé les différents quartiers parce que c'est quand même une évolution de la prison qui est assez forte depuis 2013 et la publication du nouveau guide où il y a tous ces nouveaux dispositifs et tout. Mais voilà, comme on disait tout à l'heure, c'est aussi des nouveaux quartiers qui suivent des discours, enfin, où l'idéologie qu'il y a derrière, c'est aussi l'idéologie dominante qui se diffuse de plus en plus dehors. On a une mauvaise nouvelle pour vous, l'extrême droite gagne du terrain. Mm. Donc vous ne l'ayez pas remarqué. Enfin, que ce soit à l'extrême droite, à droite ou à gauche, de toute manière, la question de la prison fait généralement consensus chez les politiciens. Mm. Mais c'est sûr que les idées autoritaires, là, ça gagne du terrain de façon très forte, quoi. Et que du coup, ça se retrouve aussi dans la manière dont on se permet, dont l'État se permet d'organiser la prison et de mettre de nouveaux trucs en place, quoi. Oui, pour revenir sur les différents bords politiques, le plan de 15 000 places de prison, il avait été initié sous François Hollande. rapear no es delito. En las cárceles los débiles y los más pobres, ¿eh o no? En Ginebra los patriotas escondiendo el montón. Van Sofía y Leonor, plebeyo a un lado del cordón. No veo nada que pegue más que monarquía y condón. Contar quién es y qué hace delito. Mira el caso de Baltónica, los hechos me remito. Los pobres hablan ya prisión, se ríen los ricos. Libertad de expresión, díselo a gritos. El bofetón de sopetón de este que vive en Torrejón ha puesto roja la fachada y la corona del Borbón. Avergüéncense por dar cabida a leyes, falsedad y fulminar con el castigo del encierro a la vez. Si en plata subaim perquè creïm que un canvi és possible. Mos voldrien tenir a tira tots en fila. Resistir com resisteix un nin als carrers de Síria. Insomni quan sa realitat abaixiga. Hacen falta escraches, faltan pintadas. Falta gente que no se agache por nada. Hacen falta ganas para saltar los baches. No sueño con sino con barricadas. El Estado legitima al heredero de Franco. En tu techo y en el juego siempre gana el banco. Un apoyo proletario de los barrios de Madrid. Nietas de guerrilleras en la guerra civil. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Los pobres no la infanta Cristina, pero medio país le desea guillotina. El rey no sabe ni hablar, ¿por qué no te callas? Pero a mí no me cierra la boca semejante canalla. Por la guerra perdida de nuestras abuelas, seré yo por la poesía que duerme en las cunetas. Tomaremos su calle estilo Black Bloc. Ocuparé Maribel a un Kalashnikov. Se ríe de su impunidad en un chalet en Suiza. Imagínalo borracho diciendo que el pueblo me elija. Con la pija de su amante recuerda cazas de elefantes. Mientras aumenta el hambre y no hay justicia que lo cace. Hace falta amor para las oprimidas. Hace falta mucho odio para esos genocidas. Hace falta acción en contra de empresas nocivas. También carteles combativos en las avenidas. Esa situación preocupa bastante. Me extinguches es que siempre mantingutas a casa real. Antisistema es un sistema que condena a un cantante y que defena a un asesí de elefante. Si rapear es delito, chico, no le des al play. Te vendan los ojitos, aquí te roba hasta el rey. Dentro de muy poquito y si sigue así la ley, habrá más rappers en España presos que las cárceles de USA. Porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan quejarnos de la opresión. Por frases y armas simbólicas, terminar tras las rejas, una cosa no es simbólica. La sangre que corre roja, es mentira la realeza, mentira la realeza. Libertad de expresión, tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Esto es por la libertad de expresión. Por todos aquellos y aquellas rappers que están escribiendo su rabia en una canción. No callaré, no callaré. No callaré. No callaremos, co. No callaremos. Por la insurgencia, Baltonic, Hassel. Libertad de expresión. Libertad de expresión. Tomando posiciones que retumben las prisiones. Los borbones son unos ladrones. Libertad de expresión. Gran en posiciones que razón y a las prasons. Ni jutges, ni fiscals, ni borbons. Bon, ce guide, on l'a mis à jour aussi pour que ça donne des des billes pour résister à la tôle, pour résister à toutes ces manières avec lesquelles l'administration pénitentiaire rend encore plus global l'enfermement et tout ce monde carcéral. Et notamment en facilitant ce guide, un des objectifs, c'est de faciliter les liens entre l'intérieur et l'extérieur. Alors il y a des parties avec, on l'a déjà dit, tout un tas d'infos pratiques et de conseils pratiques pour communiquer entre dehors et dedans, pour envoyer du courrier, se téléphoner, obtenir un permis de visite, envoyer de l'argent, apporter du linge, tous ces moments qui permettent de briser l'isolement, quoi. Et donc il y a à la fois un certain nombre d'infos pratiques, mais c'est pas non plus pour oublier tous les autres moyens qui sont possibles en dehors de ce que propose la paix. On pense notamment aux parloirs sauvages qui sont évoqués un peu dans ce guide, mais on pourrait imaginer tout plein d'autres choses à inventer. Par exemple, donner de la force aux gens à l'intérieur depuis l'extérieur, mais aussi entre personnes à l'extérieur, se solidariser, se renforcer, s'entraider. L'idée de ce guide, c'est vraiment aussi de pouvoir passer les portes de prison. Alors, notamment, on l'imprime en petit format, il est facile à mettre dans une poche, il est facile à se passer de main en main, entre proches à l'extérieur. Pourquoi pas à l'intérieur, hein. Parce que en vrai, la pénitentiaire, elle est débordée, et donc elle n'a pas un temps infini pour gérer la censure dans les quartiers surpeuplés. Elle la gère très très bien dans les quartiers à l'isolement, et elle fait la misère à ceux qu'elle a en visu. Mais ce livre, il peut très bien circuler à l'intérieur et être utilisé. Il peut même se retrouver en bibliothèque. Moi, je sais que l'ancien guide, celui de 2014, je l'ai trouvé en bibliothèque. Donc, ça veut dire que quelqu'un l'a reçu, l'a lu, et puis après, il l'a posé dans un rayon de bibliothèque et c'est passé. Donc, oui, on peut inventer des choses. Allez-y dedans, allez-y dehors, quoi. Prenez-le, réutilisez-le comme vous voulez. Alors, il est à prix libre, c'est fait pour. Bon, et puis ce guide, il est pensé comme un outil de plus, hein, pour contribuer à casser l'isolement, mais parmi plein d'autres outils qui existent déjà. Dont la radio. Et la radio notamment. D'ailleurs, dans ce guide, on répertorie pas mal d'émissions de radio anticarcérales qui existent aujourd'hui et qui, pour certaines, pour la plupart, sont aussi écoutables depuis les tôles. Certaines qui permettent de se faire des dédicaces depuis l'extérieur avec des chansons, d'autres qui dans lesquelles peuvent participer des gens qui ont été en tôle ou qui le sont encore toujours. Du coup, c'est quand même aussi tout une autre possibilité de briser la frontière entre le dedans et le dehors. Et puis on répertorie aussi dans le guide tout un tas de collectifs aujourd'hui, collectifs anticarcéraux un peu partout en France, qui font un peu la même chose, qui essayent de briser l'isolement. D'informer dehors, de faire des tables d'écriture, de faire des journées d'information, de faire des émissions de radio, de faire des feux d'artifice devant les tôles, de faire tout ce qu'on peut inventer, et ce qu'on n'a pas inventé, inventez-le. Et puis, tenez-nous au courant. À bientôt, fini en chanson. Ouais. Allez, on finit en chanson. Salut à tous. Théa, ça me dit un truc. Genre tout Panama, notre rouge. J'ai pris des stats, ils prennent la mouche. Toi et moi, on cramera toute la ville. Toute la nuit, on s'en fout des ciels gris. Que des chats morts, des sorcières et des anges hardcore. On traîne au fond des caves et dans des angles morts. Ceux qu'on veut voir écrasés, mais qui dansent encore. Mal dans dans le caniveau. Quand poulet d'or a des goûts à l'écrou. La nuit on sort comme s'il n'y a plus rien à perdre. Tout était fermé, on a enfoncé la porte arrière. C'est la trave et le ped ADT, on fait la paire. Des cassettes, des concerts, des cases, on sait le faire. On se taille, on fout la merde dans ta scène ou dans ton village. On cavale, on est bête, on accélère dans les virages. T'as pas la vitesse, t'as loupé le train, n'oublie pas. Tout est remis, tu l'appelles, donnez pas l'heure, maintenant ils cry. Tout est remis, c'est des posers, ils me font pas peur, ils sont fans de moi. Avec ma zone, t'abasse la scène comme si on l'aimait pas. J'ai compté les cadavres, les pédos, compteurs, zéro CSA. Un bâtard voulait me tuer, il est reparti en sale état. Il me faut un château pour ma team comme si je suis Ghostboy Creek. Il me faut un mec en parisie, il me faut un Ghostboy Clit. Il me faut de la drogue dans le jean, il me faut des clubs genre vite. Il me faut une putain de bonne raison de pas te mettre un cut dans le bide. Ça va encore. Il nous rattrape quand on est mort. On vous rappelle l'adresse pour commander le guide. Donc c'est guide, pas d'espace, proche avec un S, aucun espace, prison, @riseup.net. Là vous nous écrivez, on essaye de vous trouver des guides, mais comme on vous l'a dit, il faut qu'on en réimprime, donc ça va pas être très très vite. En attendant, vous pouvez faire guide proche prison, donc tout attaché avec un S approche, .noblogs.org. Noblogs, ça s'écrit N-O-B-L-O-G-S. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. À vous de jouer.